Frédéric Sigrist ce matin. Je ne suis pas étonnée par votre choix de blockbuster. Vous êtes allé voir le nouveau film Dragon Ball Super, super-héros, qui vient de sortir au cinéma. Oui Mathilde, car je fais partie des 12 personnes qui vont encore au cinéma dans ce pays. Et mercredi dernier, devant le cinéma, j'avais le choix entre Novembre, un film par le réalisateur de Bac Nord sur les attentats du 13 novembre, Un beau matin avec Léa Seydoux qui élève seule sa fille et rend visite à son père malade, Tori et Lokita, des frères d'Ardennes, sur la vie de deux enfants migrants exilés en Belgique, et Dragon Ball Super, super-héros. Et ben, je suis allé voir Dragon Ball Super, super-héros. Je sais pas, comme ça, une intuition, je me suis dit, bah, celui-ci, il me donnera peut-être pas envie de boire un bidon d'eau de Javel en sortant. Et vous vous souvenez, bien évidemment, de Dragon Ball. Dragon Ball, ah bah oui. La quête finale, des sept boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball. Évidemment, le générique de la regrettée Ariane dans le Club Dorothée en 84. Dragon Ball, l'adaptation en dessin animé du manga culte d'Akira Toriyama. Le petit Sangoku, cet enfant coiffé comme Robert Smith, le chanteur des Cure, avec une queue de singe, expert en arts martiaux, qui part avec Bulma à la recherche des sept boules de cristal qui permettent d'invoquer le dragon Shenron pour exaucer des vœux. Par exemple, vous, Mathilde, vous pourriez demander « Shenron, j'aimerais dormir !» Anthony pourrait « Shenron, j'aimerais 12 minutes de plus pour mes chroniques !» Et Clément pourrait dire « Shenron, j'aimerais qu'Anthony se taise !» Ensuite, on a eu droit à Dragon Ball Z. Alors là, Son Goku a grandi, il a eu un fils, Son Gohan, et durant tout Dragon Ball Z, on avait le sentiment que Son Goku allait progressivement laisser sa place de protecteur de la planète aux générations suivantes. Mais quiconque a un jour entendu parler de Michel Drucker et Jean-Pierre Elkabbach sait que les vieux, ça part pas comme ça. Il y a des zonas qui étudient la carrière de Michel Drucker à l'université pour savoir comment résister aussi longtemps. Non seulement Son Goku n'est pas parti, mais dans la suite de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Goku est devenu omniprésent, tout comme Vegeta, son rival. Son Gohan, son fils, lui, est retourné faire de la figuration, regardant son père, tel Alexis Corbière, durant un discours de Mélenchon. Ah, c'est pas tout ça, je t'aime bien, t'es très fort, mais quand est-ce que tu prends ta retraite? Mais dans ce nouveau film Dragon Ball Super, super-héros, y a qui alors? Eh ben, dans ce film, ça remet justement Son Gohan au premier plan. Notamment dans une relation qui me touche particulièrement et qui unit Piccolo, Satan Petit Cœur en français, un ancien ennemi de Son Goku qui a rejoint le camp des gentils, et Gohan, désormais lui aussi père de famille. Qui suit Dragon Ball depuis le début sait que Son Goku, le héros de notre enfant, est peut-être très fort pour la baston, mais qu'il a les capacités parentales d'un Targaryen. En cas de divorce, il aura jamais la garde des gosses, c'est sûr. La figure paternelle qui s'est finalement occupée de Son Gohan depuis tout petit, qui a appris à le connaître, à savoir quand il avait peur ou était dépassé par les événements, c'est Piccolo, un extraterrestre étranger et solitaire avec lequel il n'a pas de lien du sang. Dans ce film, qui délaisse légèrement les combats homériques pour des tranches de vie salutaires qui manquaient, aux vieux fans que je suis, on voit Piccolo chercher la fille de Gohan à l'école, Piccolo qui l'entraîne et Piccolo qui sermonne Gohan quand ce dernier délaisse sa fille comme son père l'a fait avec lui. Dans un monde de la pop culture obsédé par la figure du père, Dragon Ball Super Hero fait une distinction singulière entre un géniteur, Son Goku, et un parent aimant. Piccolo, Dragon Ball Super, super-héros, dit ce que savent déjà de nombreuses familles recomposées. Un parent, c'est pas celui qui vous fait, c'est celui qui est là et qui vous aime tout simplement. Alors Dragon Ball, c'est pas du Florian Zeller, mais franchement, c'est pas loin. Frédéric Sigrist et ses blockbusters.